Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous continuons ensemble notre belle étude sur l'Épître aux Hébreux, et nous sommes rendus au chapitre 11. Donc nous allons prier avant, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous allons regarder encore une fois ta parole, cette parole qui nous est parvenu à travers les siècles, afin de nous révéler ta personne, nous révéler la personne de Jésus-Christ, nous révéler ton plan pour le monde et pour ton Église. Ô Seigneur notre Dieu, nous devons marcher par la foi, croyant que tout ce que tu as déclaré est vrai et va s'accomplir. Comme tu l'as dit ou comme tu l'as promis, tu es un Dieu qui ne ment point, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est assis dans le ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Dirige-nous ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Si nous résumons un petit peu, nous avons commencé à voir dans le chapitre 11 la foi ou l'équivalent qui est la persévérance. Un n'est pas sans l'autre. Nous avons vu ensemble que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc celui qui a la foi a des choses qu'il espère. Pas besoin de foi pour ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons besoin de foi pour ce qui va venir demain et après. La foi est certaine que les choses qu'elle espère vont arriver. Pourquoi? Parce que les choses qu'elle espère viennent de Dieu. Ont été annoncés par Dieu, ont été promis par Dieu, ont été prophétisés par Dieu ou ses prophètes. Et la foi aussi démontre, dans son quotidien, ce qu'elle ne voit pas. On en a vu des exemples de gens qui ont fonctionné à partir de ce que Dieu avait déclaré. Dieu leur avait promis ou annoncé des choses. Et ils ont bâti leur vie sur le fait que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Mais on a vu aussi que la plupart des gens qui ont reçu ces prophéties ou ces promesses sont morts sans en voir l'accomplissement. Parce que les prophéties et les promesses dépassaient de loin leur petite vie personnelle, hein, dans la plupart des cas. Donc la foi, ce n'est pas que je vais croire que Dieu va faire ce que je lui demande ou ce que je lui dis, mais la foi, c'est elle a la capacité de croire que Dieu va accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a prophétisé. Et c'est ce que nous allons continuer à regarder ce matin en lisant le chapitre 11, verset 24. Nous allons commencer au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immolât la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Donc l'auteur ici amène comme témoin, comme exemple, Moïse. Je dirais le personnage le plus éminent pour les Juifs. Avec Abraham et David, c'est les personnages les plus importants dans leur histoire, dans leur Ancien Testament. Première chose qu'il dit au verset 23, il parle pas de Moïse, mais des parents de Moïse. Vous vous souvenez que pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, sous l'esclavage, le pharaon, voyant le peuple de Dieu, le peuple d'Israël s'augmenter en nombre, les Égyptiens ont eu peur d'une révolte de la part des esclaves. Les esclaves étaient quasiment devenus aussi nombreux que les Égyptiens. Donc, pour faire face à sa peur, le roi, le pharaon, a dit de faire mourir tous les enfants mâles qui étaient pour naître, mais de laisser les filles vivre. Donc, dit aux sages-femmes, quand vous allez voir que l'enfant est un garçon, vous allez le faire mourir. Les parents de Moïse, Amram et Jochabed, eux autres ont décidé qu'ils ne suivraient pas, qu'ils n'obéiraient pas à l'ordre du roi. Donc, la raison qu'ils nous disent ici, c'est parce qu'ils virent l'enfant était beau. Quels parents ne trouvent pas leurs enfants beaux à la naissance? En général, on trouve nos enfants beaux en général. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? L'auteur des Actes des Apôtres dit, lui, en citant ce passage, qu'il était beau aux yeux de Dieu. C'est pas clair. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Est-ce que c'était Dieu qui a suscité dans leur cœur ce désir de contredire et de ne pas laisser partir leur enfant? Probablement. Mais l'auteur nous dit que c'est par la foi que ces parents-là ont fait ça. Par la foi que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. Parce qu'il y avait une promesse qui viendrait un libérateur pour les sortir de l'Égypte. Mais s'il n'y a plus d'enfants mâles, il n'y a plus de libérateur. Possible qu'il va venir. Donc, on se souvient que ses parents vont finalement mettre l'enfant après 3 mois dans un panier, le mettre sur le fleuve du Nil et le laisser aller à la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on le retrouve au verset 24, Moïse est dans la maison des pharaons. Il est sorti d'une cabane, si je pourrais dire, d'esclaves, et guidé par la volonté de Dieu, par le plan de Dieu, à être dans la maison du pharaon lui-même. Ce même pharaon qui voulait le faire mourir, finalement, va élever un enfant hébreu. Mais c'est par la foi, croyant que Dieu était pour accomplir ce qu'il a dit, ils démontrent par leur vie qu'ils croient aux choses encore invisibles. Et c'est pour ça qu'au verset 24, c'est marqué « C'est par la foi ». Que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc Moïse, devenu grand, sachant qu'il était un Hébreu et que son peuple était en esclavage, lui-ci décide qu'il va intervenir à ce moment-là. Il décide de prendre position contre Pharaon pour libérer le peuple de Dieu. Il dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, il sait que s'il reste là, il est élevé dans le luxe, dans l'éducation, dans le pouvoir, la puissance, l'autorité, peut-être même devenir le prochain pharaon. Il préfère être maltraité, il préfère la souffrance, il préfère l'esclavage que la jouissance du péché. Donc, il décide de se séparer de la fille de Pharaon, de la femme qui l'a élevée, de la richesse, de tout ce qu'il y a sur la terre, et il décide que dire, moi, je vais accepter la destinée du peuple de Dieu. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Donc, il va y avoir autre chose après ça. Et là, le verset 26, il dit, « Il regarda l'opprobre de Christ comme étant une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Donc, il dit qu'il regarda l'opprobre de Christ. Là, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Est-ce que Moïse a vu Christ de loin, à quelque façon quelconque? Il y en a qui disent que le texte veut dire l'opprobre du moins. Le moins représentant le peuple de Dieu. Ce peuple choisi. Le peuple mis à part. Et d'autres disent que il parle ici de Christ. Qu'il a vu d'une façon quelconque, par révélation, que le Christ viendrait et qu'il s'est rejeté. On sait que Moïse, selon Acte 3, avait dit, il va venir parmi vous, un autre prophète comme moi. Et quiconque va le rejeter sera banni du peuple de Dieu. Donc, Moïse a une certaine compréhension, il a une certaine révélation qu'il viendrait un jour un homme, un prophète comme lui, un leader, un dirigeant comme lui, une autorité comme lui, un envoyé de Dieu comme lui, qui viendrait diriger le peuple d'Israël. Et que quiconque rejetterait cet envoyé-là serait rejeté par Dieu. Donc, est-ce que c'est de ça qu'il parle ici? Probablement. Probablement. Mais il dit qu'il regarde les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu, comme étant un trésor plus grand que tous les trésors que l'Égypte pouvait lui offrir. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et la rémunération, c'est ce que Dieu avait promis. Tu peux pas avoir les yeux fixés sur la rémunération si tu la connais pas, la rémunération. Si tu sais pas qu'il y a une promesse ou une prophétie de fête. Donc, Moïse le sait. Il sait qu'il y a quelque chose qui va lui être donné à cause de sa foi. Et il évalue comme étant plus grande la rémunération promise par Dieu que ce que les Égyptiens pourraient lui donner. Donc, Moïse est dans une situation que, par la foi, à cause de ce qu'il a entendu, à cause de ce qu'il a vu, parce que, après, quand il vit ces choses-là, quand il décide de quitter l'Égypte, quand il décide de s'attacher au peuple d'Israël, et de vivre avec ça, c'est qu'il a déjà été 40 ans dans le désert, comme berger, et Dieu lui a parlé à travers le buisson ardent. Il sait des choses maintenant. Il connaît des choses. Mais par la foi, il décide de virer le dos à la richesse, à la popularité, au prestige, à l'honneur, au pouvoir. Et il regarde devant lui, vers l'avenir, vers les choses qu'il espère, les choses qui sont encore invisibles. mais il fonctionne aujourd'hui en ce qu'il espère et croit qu'il va arriver demain. Je crois qu'il voyait beaucoup plus loin que juste le pays de Canaan. Je crois. Je crois qu'il va plus loin que ça dans sa foi. Mais même si ça c'est juste le pays de Canaan qu'il a en vue comme rémunération, ça nous enseigne que la foi, ce qu'elle est, c'est qu'elle croit fermement que ce que Dieu a déclaré va arriver. Et c'est au verset 27, c'est par la foi qu'il quitte l'Égypte avec tout le peuple d'Israël, des millions de personnes, sans avoir peur de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas peur du roi? C'est-tu parce qu'il y a 2 millions de personnes avec lui, ou 3 millions de personnes avec lui? Non. C'est parce qu'il voit celui qui est invisible. Dieu a fait la déclaration formelle à Moïse, « Je vais te donner le pays de Canaan au peuple d'Israël. » Donc, même s'il ne sait pas tout comment ça va se dérouler, il sait que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Verset 28, c'est par la foi que quand Dieu lui a dit un jour, il va passer un ange, l'ange de la mort, il va passer sur le pays d'Égypte pour faire mourir tous les premiers-nés de chaque famille. Mais il dit, prends un agneau, tu vas l'immoler, et tu vas prendre son sang, et tu vas en mettre autour de la porte, sous le cadrage de la porte, sous l'intôt de la porte, ou sous le cadrage de la porte. Tu vas le mettre là. Et l'ange de la mort, quand il va voir le sang d'un agneau, il va passer par-dessus la maison. Moïse croit, premièrement, qu'il va venir un ange de la mort. D'abord, s'il n'avait pas cru, mais comment est-ce qu'il va faire ça? Ça se peut pas. Il a cru ce que Dieu avait dit. Et la foi s'est manifestée, s'est démontrée par le fait qu'il a tué un agneau, il l'a mis sur le cadrage de la porte. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que la foi, elle est en relation directe avec les paroles de Dieu, avec les déclarations de Dieu. C'est pas la foi, ce n'est pas en relation directe avec ce que j'aime, avec ce que je veux, à ce que je rêve, à ce que je désire, à ce que j'aimerais avoir, à ce que j'aimerais que Dieu fasse. Mais c'est la déclaration que Dieu a faite que je crois. Et verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Dieu parle à Moïse et lui dit qu'il va ouvrir la mer. Moïse leur dit, regardez ce que Dieu va faire. Et ils partent, ces millions de personnes, et ils traversent la mer Rouge. Ils croient par la foi qu'ils vont traverser, que l'eau va rester séparée assez longtemps pour les permettre de traverser. Mais les Égyptiens, eux, meurent là, parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas au Dieu de Moïse. Ils ne croient pas au Dieu d'Israël. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour Moïse, pour les parents de Moïse, c'est sortir de l'esclavage de l'Égypte et aller vers le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob, le pays de Canaan. Et Jacob, Joseph, Moïse ont cru à cette prophétie de Dieu qu'il posséderait le pays de Canaan, et ont agi en conséquence. La foi, c'est cela. Dieu va faire ce qu'il a dit. Nous allons continuer demain à regarder ce beau sujet de la foi. Notre bon Père du ciel, merci de ce bel exemple de Moïse, un homme de foi. Un homme de foi. Pas un homme sans péché, mais un homme de foi. Pas un homme avec une vie de sainteté exemplaire, pas un homme avec une moralité exemplaire, mais un homme avec une foi exemplaire. Un homme qui a cru en ce que Dieu avait promis. Notre Père du ciel, c'est ce que nous voulons être, nous aussi, des hommes et des femmes de foi, qui croient, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se déroule autour de nous, tu vas accomplir ce que tu as dit. Nous avons les yeux fixés sur la rémunération de notre foi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.